Bonsoir à toutes et à tous, bienvenue dans cette nouvelle émission Albanger, le rendez-vous métal du dimanche soir sur les ondes de Radio Béton, les ondes du 93.6. Après le couac de la semaine dernière, on espère que tout se passera bien pour cette nouvelle émission. Nouvelle émission avec toujours plein de très très bonnes choses à s'écouter. Et j'en veux pour preuve cette doublette qui voit remonter très très haut dans la diff Magodeos. Le groupe de heavy hard rock, power, celtic, venu d'Espagne, qui sort déjà son 15e album studio. J'ai vu que j'étais en train de regarder un petit peu, là, en même temps que je faisais la présentation, le groupe a quand même une sacrée discographie, ouais, 15 albums, si on compte leur espèce d'opéra rock qui était sorti en 96. Enfin bref, avant Magodeos, on s'écoutera Carcass, le groupe maintenant de Swedish Melodeath qui sort son nouvel effort studio Torn Arteries via Nuclear Blast. L'effort est déjà disponible et dans la même lignée, donc Bandera Negra de Magodeos est également déjà disponible. The Devil's Ride Out pour Carcass, Guerra y Paz pour Magodeos. Un album très inégal, avec une bonne moitié d'album assez inintéressante, et cependant quelques titres qualitatifs qui ressortent ça et là. Et bah bienvenue dans l'émission, c'est parti. abrazo es un dueño que pide perdón. Una voz que demanda ser escuchada. Una lágrima olvidada que yace en el fondo del mar. Brutale et extrême, pestilentielle, Shadows. Tout d'abord, la formation black metal nous vient d'Australie. L'album, c'est le sixième, il s'intitule Revenant. On est sur du black ultra classique mais très très bien exécuté. Et dans la foulée, les ricains de Full of Hell, ce groupe un peu death, un peu grind, un peu power violence, un peu sludgy noise, ils sortent là leur cinquième album, 12 titres pour 20 minutes, hein, donc c'est un peu délicat de parler de longue durée cependant. Voilà, Full of Hell, Pestilential Shadows juste avant, on va tout simplement s'écouter le titre de l'album Revenant. Full of Hell, pour rappel, l'album est déjà dispo chez Relapse Records, Garden of Burning Apparition. On s'écoutera le titre Urchin Thrones, c'est parti. We'll be right back. la suite, on va se prendre tout d'abord un bon gros parpaing dans les oreilles. Skepticism, le groupe de Funeral Doom venu de Hollande. Ils sortent là leur sixième album studio, actif depuis maintenant 30 ans. Le titre, c'est une version radio-édite, puisque de base il fait 10 minutes, on va en diffuser environ 7. Pour rappel, pour votre plaisir, et surtout pour ceux qui veulent écouter les titres que l'on diffuse de manière coupée, si vous voulez les écouter en entier, sachez que dès le lundi soir, via notre petit blog, Hellbanger Radio Show sur Blogspot, vous pouvez tout simplement retrouver l'ensemble des piges de l'émission, et là, comme on n'a pas vraiment de limite d'amplitude horaire, et ben on balance les titres rabotés en entier. Voilà, puis ça vous donne aussi l'occasion d'écouter, réécouter en séance rattrapage l'émission du dimanche soir. En doublette avec Skepticism, nous avons Lunar Spell, jeune formation de raw black metal, venue de Grèce, formée en 2020. L'année dernière, ils ont donc sorti un premier EP, et là, ils nous envoient un premier album, 35 minutes de haine bien dégueulasse, qui se rapproche d'ailleurs de la scène finlandaise, comme on a déjà pu le dire, type Orna et Sargeist, avec 2-3 petits claviers par-dessus pour agrémenter et assombrir encore plus les ambiances globales. Skepticism, donc un extrait de leur nouvel effort studio Companion, The March of the Fourth, et Lunar Spell dans la foulée, on s'écoutera The Wands of Salvation, extrait de leur nouvel effort studio Where Silence Whispers, sorti chez Northern Silence Production. We'll be right back. La doublette suivante sera teintée de Fuzz et de Brutal Death, puisque nous aurons d'abord Duel, groupe de hard rock Doomstoner, teinté de psyché d'ailleurs, qui nous vient des États-Unis, formé en 2016. On est sur un groupe d'inspiration Audrey Horn et Spiritual Beggars, par exemple. Donc voilà, ce quatrième effort studio s'intitule Incarné Persona. Il est déjà disponible, on s'écoutera le morceau Lizard Tongue. Et dans la foulée, Infiltrated Mankind, là on est sur du pur bon gros Brutal Death. Matietek d'ailleurs, ça nous vient de Sibérie, donc voilà la formation russe généreusement inspirée de formations telles que Decrepit Burst, Spawn of Possession. C'est assez classique, c'est très bien foutu et la prod est tout à fait correcte. Voilà, tout plaisir d'écouter donc Infiltrated Mankind. On va s'écouter le morceau Atomized Leaves, extrait de leur nouvel effort sur Inside the Appalike, une sortie sur le très très bon label Ungodly Rinse Production. C'est parti! Your reaction is a far beyond. Eh ben, ma foi, on arrive déjà dans l'aspect française de l'émission Hellbanger. Hein, pour rappel, le rendez-vous métal du dimanche soir sur les ondes de Radio Béton, les ondes de 93.6. Normalement, la diff de ce soir se passe plutôt correctement. On attaque donc tout de suite, eh ben, l'aspect française avec une doublette signée Aurillac Tentation. Aurillac, nouvel album également sorti chez les Acteurs de l'Ombre. On est toujours sur un black médiéval bien intense, assez épique dans le style. Encore une fois, je pense qu'un petit focus y sera consacré dans les semaines à venir. Et enfin, Tentation, là, ça a bénéficié déjà d'un focus. Une des toutes meilleures sorties heavy françaises de ces dernières années, c'est chanté en français. Album concept inspiré un peu des mythologies que vous pouvez retrouver dans le film Les Immortels. Plutôt cool d'ailleurs au passage. Le berceau des dieux, une sortie Gates of Hell Records, et on va s'écouter le titre Le taureau d'airain, et juste avant ça, Aurillac, la guerre des esclopes. C'est parti! Yeah. Le brasier sous la baie.